Bonjour, je suis Marja Satrapi. Je vais vous parler de mon nouveau film Radioactive qui sort le 11 mars au cinéma. Radioactive retrace la vie de Marie Curie, ses découvertes et leurs impacts sur le monde d'aujourd'hui. Le film pose aussi la question de l'éthique de la science, la responsabilité des humains, nous, face aux découvertes. Marie Curie est une femme hors norme, en avance sur son temps, que l'on connaît très peu finalement. Allez voir Radioactive le 11 mars au cinéma. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Avortement, le pouvoir du médecin. Une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la journée du 8 mars qui scrute les droits des femmes et ce constat que parfois ces droits qu'on croyait acquis semblent nous glisser entre les doigts. Alors il faut remonter le fil de l'histoire. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui revient de loin, un jeune médecin révolté, une gynécologue militante, une jeune fille désespérée, un médecin inventeur, des pionnières, un historien, une sociologue et une philosophe. Ensuite le décor, Grenoble, la rébellion des imprudences des hippies, la médecine de papa, le courage, la solitude, le MLAC, Halimi et Beauvoir, des curetages, des canules, des gestes qu'on transmet, une pompe à vélo et des chaussettes. Aujourd'hui, premier épisode, on prend feu. Quand je parle de cette Marie de l'époque, eh bien en fait, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre, quoi, d'une gamine en fait. Et puis j'étais surtout très paumée à l'époque. J'avais pas de repère, parce que déjà j'avais pas de père. J'ai perdu mon père, j'avais 4 ans, donc j'étais élevée par une femme veuve, seule, qui était très pieuse, etc. Et je suis arrivée à l'âge adulte en fait, avec beaucoup de difficultés. Embrasser un garçon, c'était presque un péché mortel, quoi, je veux dire. Ma mère, quand j'ai eu mes règles, elle m'a donné un livre qui s'appelait « Pour toi qui grandis ma fille » et qui expliquait un peu comment on devenait femme, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pour avoir des enfants, pour se marier, pour dans le respect de la vie du couple, de l'autre, dans l'amour de Dieu. Enfin, je sais pas, fait tout ça. je reviens des fois, j'ai l'impression de revenir de très très loin. Avortement, le pouvoir du médecin. Du cintre à la canule. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Moi, je suis venue donc à Grenoble pour faire mes études. Je sortais de 3 ans de pensionnat. Et en fait, venir à Grenoble, c'était une forme de libération. Je m'éloignais de ma famille. Marie. Je sais pas, c'était un monde, comme un monde nouveau qui s'ouvrait et qui n'avait plus rien à voir avec ce monde étriqué duquel je venais. Moi, je venais de province. Et quand j'ai commencé à rencontrer là, ces gens, vous savez, comme les hippies, Baba Cool, qui est tellement gentil, tout le monde s'aime, etc. et tout. Je me suis laissée portée par ça, quoi. Puis alors, par une espèce aussi de côté un peu rebelle par rapport à la société, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le jeune homme avec qui, justement, je vais tomber enceinte, quoi. J'avais fait une imprudence, je le savais. Je me revois encore, hein, aller aux toilettes, parce que j'avais la nausée, etc. et tout, de vomir et de me dire, ça y est, je suis enceinte, quoi. Non, c'était pas ma vie. C'était pas ma vie. Ma vie, c'était autre chose qui m'attendait, quoi. J'avais fait une tentative d'aller voir un médecin pour avoir une ordonnance de pilule, parce que j'étais mineure. Et on était bloqués par ça, quoi. Puis on était intimidés par le monde médical aussi, parce que souvent on avait affaire à des médecins qui étaient un peu, qui avaient plutôt la tête de bon père de famille, etc. Donc c'était un peu compliqué de raconter un petit peu, enfin, ces problèmes de femmes. Et quelqu'un m'avait un jour indiqué un médecin, et je me rappelle aussi exactement qu'on voyait des. Je me rappelle de l'adresse, je me rappelle du nom du médecin, je me rappelle du jour où je suis allée et que ce jour-là c'était fermé. Et j'ai jamais eu après le courage de retourner. Ben, je veux pas. Alors je me rappelle que j'ai passé mes examens. Je me rappelle encore même comment j'étais habillée. Les derniers cours que j'avais, je me revois. Vous étiez comment ? Au tableau avec une petite robe. Quoi, vous savez, on s'habillait. Et je savais que, enfin, étant enceinte, moi, je le savais, et qu'on m'interrogeait sur des sujets, fait, etc. Et tout, et moi, éclaté en sanglots, quoi, parce que bon, j'étais tellement loin tout d'un coup de tout. C'est flou, hein, pour moi, tout ça. Je n'éprouvais aucune haine vis-à-vis de cet embryon de vie. Au contraire, je me sentais très proche de lui. Je me disais qu'on était embarqué dans une sale histoire, qu'on était les victimes d'un mauvais coup du sort. On était en quelle année ? Alors donc on était en 72, donc on était un an ou deux ans avant la loi Veil. On n'était pas loin encore de l'époque où on parlait de faiseuses d'ange, hein, etc. Des aiguilles à tricoter, tout ça. On était donc encore vraiment dans de la clandestinité. Mais le problème c'est qu'à l'époque, il fallait, c'était le bouche à oreille, quoi. Entre autres, là, une copine m'avait indiqué une sage-femme qui faisait des avortements aussi. Donc, je suis allée la voir. Elle m'a demandé qui m'envoyait. Et comme je ne savais pas qui c'était, puisque c'était une copine qui m'avait. Hein, donc, voilà, c'est des de non-recevoir. Ah non, puisqu'après, j'ai pas accepté. Non, après. Mais bon, je, vous savez, on parle de ça, mais j'en suis pas fière. Hein, même encore, je vais dire. Si ça avait pu être autrement, j'aurais bien aimé, quoi. Déjà, le médecin, je crois que j'étais allée voir, j'ai dû demander, mais vous pouvez pas m'aider ? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? D'avoir été gentiment sortie, même pas de pistes, rien. Enfin, bon, donc après, le bouche à oreille, je me souviens. Je me faisais un truc violent avec ce médecin, enfin violent d'un ressenti. Je faisais très jeune, etc. et tout. Puis même pas de compassion, même pas d'empathie, rien. Enfin, et en fait, c'est là où quelqu'un de mon entourage, quoi, m'a parlé de qu'il y avait actuellement sur Grenoble un mouvement avec des gens qui pratiquaient des avortements, enfin, que c'était. Un milieu d'étudiants en médecine, etc. et tout. Donc là, je me suis sentie en sécurité avec ces gens-là. Donc moi, je me suis mis, en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis mis entre leurs mains, mais complètement, quoi. Je leur faisais confiance. Et c'était eux qui allaient me sortir de là. Donc ils auraient pu me proposer n'importe quoi, de toute façon, j'acceptais. Je racontais mon histoire à François. Ça commence. À ma solitude, on m'écoutait en face. Petite amie de l'époque qui tombe enceinte. Début 72, où la contraception, même quand on était étudiant en médecine... Olivier Bernard. ...était difficile médecin d'accès. Médecin généraliste, orthogéniste et ancien président du MLAC de Grenoble. J'avais fait une imprudence, et je le savais. Je me suis débrouillé moi-même pour poser une sonde dans l'utérus et faire en sorte qu'elle ait des saignements et l'adresser justement à ce chirurgien qui a fait un curetage une fois qu'elle saignait. Ça, c'est mon expérience personnelle qui a été violente et culpabilisante. Ouais. Culpabilisante de n'avoir pas été en mesure d'éviter cette grossesse et d'avoir amené cette petite amie à devoir subir quelque chose de pénible, de douloureux. François, à son tour, me parla de la façon dont il allait procéder pour m'avorter. Il devait me poser une sonde, surveiller mon état pendant l'attente et m'aider dans les démarches auprès du milieu hospitalier pour le curetage. Et peu de temps après, au niveau de mes études, j'ai été amené à faire un stage d'externe en réanimation médicale. Et là, ça a été Deuxième choc de constater qu'en 1972, les services de réanimation médicale étaient peuplés majoritairement de jeunes femmes qui étaient là entre la vie et la mort. J'ai été bouleversé du mépris, du jugement du corps médical par rapport à elles. On laissait entendre qu'elles l'avaient bien cherché. Et ça, ça m'a donné la rage. Et ça m'a fait rejoindre un groupe de femmes féministes qui avaient commencé le combat sur Grenoble, notamment autour de la personne d'Annie Ferré-Martin, donc, qui avait lancé une antenne de l'association Choisir, qui avait été créée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Elle a accueilli à bras ouverts, moi et quelques étudiants en médecine, qui souhaitions participer à ce combat. Et du coup, ça commence comme ça. Vous êtes encore étudiant en médecine et vous apprenez à pratiquer des avortements. Oui, alors pratiquer des avortements, c'était de façon extrêmement artisanale et voilà, c'était poser une sonde dans l'utérus pour provoquer des métrorragies, des saignements, hein, qui ne se produisaient pas toujours, hein, ce qui fait que quand ils ne se produisaient pas, on leur faisait une prise de sang et on injectait du sang dans le vagin et on leur disait de se précipiter à la clinique en disant qu'elles saignaient pour bénéficier d'un curetage. D'apprendre qu'on pouvait brusquement évacuer un utérus avec une toute petite canule en plastique de 6 mm de diamètre et que la chose était aussi simple, ça me paraissait vraiment absolument irréel. Et je leur ai dit, oh là là, mes pauvres petits gars, vous courez vers les ennuis, vous allez avoir des rétentions. Histoire vous rendez de Charles Belmont et Maria cette canule et cette seringue. Je me souviens, les premières réunions, c'est beaucoup accroché. Eux n'étaient pas gynécologues. Moi, j'étais la première gynécologue qui arrivait dans le groupe. J'ai dit, mes pauvres enfants, ça va être la catastrophe et je n'y croyais pas du tout. J'avais peur de mon père. Officiellement, c'était ça dans ma tête. En réalité, je pense que c'était tout à fait autre chose. J'avais pas 20 ans, j'étais étudiante, j'avais mes études à faire. Et à l'époque, les jeunes filles enceintes, on les mariait. En Bretagne, chez moi, quand une jeune femme était enceinte, elle était mariée vite, vite, vite. Et puis on disait à tout le monde que l'enfant était prématuré. J'en avais de très, très proches des exemples. Joëlle Brunery, donc, gynécologue et militante féministe française. Je l'aimais bien, ce garçon. Et absolument, mais je me voyais mal mariée d'office, parce que c'était ça. Hein. Mariée d'office et plus ou moins arrêter mes études, parce que je pense que mon père n'aurait pas accepté. Donc j'ai vraiment pas pensez une seconde garder cette grossesse. J'ai eu peur, hein. Je ne voyais pas d'issue. Vous voyez, tout est bouché de partout. Vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas l'adresse. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne pouvez pas en parler à votre copine. Vous ne pouvez pas en parler à votre mère. Et vous n'en voulez pas de cette grossesse. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, il n'y a que le suicide. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Après, il fallait trouver l'argent. C'était quand même venir à Paris. Mon copain avait piqué dans la caisse de ses parents qui avaient un bureau de tabac. Et on l'avait remis parce qu'on était très culpabilisés après. C'était la première fois depuis le début de ma médecine que je remettais en cause ce qu'un patron m'apprenait. Et comme je n'avais jamais lu dans mes livres que l'aspiration c'était bien, j'y croyais pas. Et ça a remis totalement en cause ma façon de penser la médecine. Et finalement, au-delà du problème de l'avortement, qui bien sûr pour nous s'arrange et c'est un gros travail qu'on a fait, pour moi, ça m'a apporté encore beaucoup plus sur le plan personnel parce que je me suis mise brusquement à mettre en cause tout ce qu'on me disait. À mieux, finalement, il y a peut-être des choses que je pourrais trouver toute seule et moi-même à trouver des petites techniques particulières pour des choses tout à fait différentes qu'on ne m'avait pas apprises. On nous tient dans une espèce d'aliénation par rapport au savoir médical qui est très très dangereux finalement. Oui. Pardon madame, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Oh, moi je suis jeune fille, je veux pas savoir de rien du tout moi là-dedans. Mais il est question en temps de parler des avortements, je pense que depuis des siècles, enfin au moins, on entendait parler d'avortement, mais c'était surtout des non-dits, des secrets de famille. En remontant dans ma mémoire, je suis persuadée que même petite, j'ai eu des tantes qui ont dû avorter. Il y avait des choses, je suis née en 43. L'avortement était complètement interdit, il ne se passait rien en France. Les femmes qui avaient de l'argent partaient en Suisse. À l'époque, il n'y avait même pas l'Angleterre. Et puis les autres, ben, elles cherchaient des adresses, de l'argent et des adresses. En fin de compte, j'ai l'impression que toute notre jeunesse Il fallait des copains qui venaient, t'as de l'argent, et puis après t'as une adresse. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fou. Hein. Après, en remontant l'histoire, j'ai réalisé qu'il y avait par exemple une amie de ma mère qui était morte pendant la guerre d'une piqûre de rosier. Du tétanos, comme bien entendu. Et à l'époque, on mourait d'une piqûre de rosier et du tétanos par piqûre de rosier, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, je suis rentrée très, très jeune en faculté à Nantes. Alors, il faut dire qu'à l'époque, Nantes, en 60, c'était pas la Révolution. Hein. C'était pour l'époque, en tout cas, il n'y avait rien qui se passait sur ce niveau-là. Vous aviez quel âge quand vous... J'avais 16 ans. Vous rentrez à la fac de médecine à 16 ans. Oui, mais mes parents, c'était sous la condition d'être dans un foyer de religieuse. Qui s'appelait les réparatrices. Sinon, ils ne m'auraient pas laissé partir en faculté. Donc, j'ai eu cette chance. Dès le début, on allait à l'hôpital. On prenait des nuits de garde et on comprenait très vite la réalité quand même. Hein, c'était tout d'un coup. Il y avait ces mauvaises femmes qui venaient, qui saignaient, et c'était pas bien. Et voilà. Donc voilà, moi, c'est aussi tout ça qu'il faut raconter, c'est qu'il n'y avait pas de liberté sexuelle. Donc, je pense que c'était aussi pour nous protéger de tout ça. Qu'il n'y avait pas de liberté sexuelle. C'est-à-dire que les garçons ont une liberté sexuelle, mais les filles, on ne faisait pas l'amour. On faisait l'amour tardivement. Et encore, on ne le disait pas à ses copines. C'est incroyable. Donc, on faisait l'amour, bien entendu, on était enceinte. C'est très rapidement, parce qu'il n'y avait pas de moyen de contraception pour les hommes. Maintenant, tout le monde dit, mais il y avait les préservatifs. Mais ce n'était pas à la mode. Je ne mettais pas de préservatif. Le grand contraceptif, c'était le retrait. C'était ça. Donc, vous imaginez, à 20 ans, fougueux, le retrait, bon, bah, après, il fallait trouver l'argent, une adresse, voilà. Bon, ça, je pense que c'est ce qui m'a révoltée complètement, parce que je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? On ne peut pas penser à autre chose, de toute façon. On ne peut pas penser à autre chose, et puis chaque jour compte, quoi. C'était donc mi-juin 72, avec Annie Ferré-Martin et un ami étudiant en médecine. On a pris la voiture d'Annie et nous sommes partis faire un petit voyage à Londres pour voir comment ça se passait dans un pays où l'avortement était légal. Jusqu'à ce que nous rencontrions une militante du Women's Lib, le MLF anglais, qui nous a parlé de la venue d'un Américain, californien, qui n'était pas médecin, qui était psychologue, Harvey Carman, qui avait présenté les petites canules souples d'aspiration qu'il avait imaginées en s'inspirant de techniques chinoises. Mais il avait eu du mal à trouver des médecins prêts à l'entendre parce que lui-même n'était pas médecin. Et il y a un seul médecin, Stella Lewis, à King's College Hospital, qui a accepté d'expérimenter son matériel. Elle ne faisait pas d'avortement les jours où nous étions là. Par contre, elle nous a indiqué l'adresse où on pouvait se fournir en matériel. Nous sommes revenus là en voiture à Grenoble, le coffre chargé de canules et de seringues. Et nous avons pris rendez-vous 15 jours plus tard pour apprendre la technique. Il ne restait plus qu'à fixer la date de l'intervention. Le temps commençait à presser. J'étais à un mois et demi de grossesse et en pleine période d'examen. Mais de retour à Grenoble, avec notre matériel et avec la pression des demandes que nous avions, on n'a pas pu attendre et on a essayé d'utiliser ce matériel. Et je suis retourné donc tout seul là, le 14 juillet 72, ça je me rappelle bien de la date. Et là où j'ai passé une journée très particulière dans ma vie, hein, qui a été une journée auprès de Stella Lewis pour ramener cette technique tellement, tellement moins traumatisante que le curetage, tellement moins dangereuse, sans anesthésie générale, qui a la possibilité d'être faite en dehors d'un milieu hospitalier, et donc qui a la possibilité d'être prise en main par des femmes non médecins. Et ça a donc bouleversé la façon de mener la bataille pour la liberté de l'avortement. Le législateur devrait prévoir alors des lieux spécialement affectés à cette besogne. À Grenoble, à Lyon, à Paris, les avortements sont pratiqués gratuitement. La femme est aidée par une autre femme et par une personne, médecin ou non, formée à la technique d'aspiration. On n'était pas des médecins, nous. On était juste des femmes qui étions concernées par cette question. Quoi. Anne Joubert. Il n'y a pas assez de place à l'étranger, ça ne se fait pas dans des conditions correctes, les médecins sont débordés. Après tout, pourquoi on n'apprendrait pas, nous? Mais attention, tout le MLAC n'était pas forcément d'accord avec ça. On était une minorité. Qu'est-ce que ça veut dire alors, MLAC? Alors, MLAC, ça veut dire Mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. Donc, c'est bien un mouvement. Qu'est-ce que vous en souvenez, vous, Anne Joubert, qui vous a appris au départ? Oui, je me souviens très bien. C'était une... elle s'appelait Sylvie. Alors, elle était infirmière et elle avait appris avec Joël Brunnery-Kaufmann. Parce que je pense que tout au départ, même les médecins, ils avaient un peu de mal. Mais une fois qu'on s'y est mise, au bout d'un moment, les médecins, ils nous orientaient, même des femmes, parce que eux étaient débordés. Ou même certains, je me rappelle toujours Pierre Boutin qui disait finalement, vous faites mieux que nous. Tous ces gestes-là, on a appris, ça me revient là, c'est marrant, hein, on parle de quand on a appris à faire du vélo, bah après on sait toujours faire du vélo. Moi j'ai l'impression que demain je pourrais le refaire. Non, la cannule est dans ton utérus. Je vais maintenant, par des petits mouvements de va-et-vient, décrocher ton œuf, le mettre, si tu veux, en petits morceaux, de façon à ce qu'il puisse passer à travers la cannule. Enfin, ça, c'est devenu très vite, on en a fait énormément, bien plus que deux fois par semaine, je sais pas. Peut-être, ça, je sais pas, on arrivait dans le 20e, on faisait, oh, je sais pas, on pouvait en faire 10 par semaine. Mais simplement, quand même, c'était pas notre métier, donc on avait des boulots à côté, puis en plus, c'était lourd quand même, pour nous aussi. Donc on a fait, à ce moment-là, plusieurs équipes. Alors, on avait une valise, une entre le 12e et le 20e, et puis le 19e, et puis après, ça avait un coût, donc la valise, il nous fallait au moins un spéculum, des bougies donc pour dilater, qu'on achetait au BHV, puisqu'il y avait en face du BHV, il y avait la boutique médicale. On avait une ordonnance, on se débrouillait, donc on achetait les bougies. Les canules, ça coûtait très cher, c'était plus compliqué, mais on avait donc les canules de 6 et les canules de 8. Et ces canules, au bout d'un moment, on s'est dit, on va les fabriquer. Donc, on achetait du tuyau en plastique, plus ou moins rigide, transparent. Et puis, on le bouchait au bout avec un fer pour chauffer le plastique. Et puis après, on faisait les petites encoches et on passait à la toilette-marie, ou je sais plus, enfin, pour que ce soit, que ça accroche pas. Et puis, pour l'aspiration, il fallait, alors, où c'était un moteur de frigo inversé, au bout duquel on mettait un tuyau, et entre ce tuyau et le tuyau qui menait à la cannule, il y avait un manomètre pour mesurer la pression. Parce que les gens, quand on parlait de pompe à vélo, c'était le gros scandale, ils pensaient qu'on branchait directement une pompe à vélo dans le col de l'utérus. Et non, la pompe à vélo, entre la pompe à vélo et le tuyau avec la cannule, il y avait un manomètre, on pompait à l'envers. Et après, on mesurait la pression. Et alors, je me rappelle plus de ce qu'il fallait comme pression. Mais enfin, il fallait une pression suffisante pour aspirer et pour pas blesser non plus. Donc, il y avait la pince pour passer le col. Bon, tout ça qui devait être stérilisé après. Le bocal relié à la cannule. Et puis, évidemment, des chaussettes. Je me rappelle ça, très important, les chaussettes. Parce que souvent, il y avait des histoires de froid aux pieds, puis ça faisait partie, c'était notre truc sympa, c'était la paire de chaussettes. Voilà. En amont de l'avortement, ces MLAC-là organisent des réunions préparatoires 2-3 jours avant l'avortement, où les femmes qui s'apprêtent à avorter se réunissent ensemble dans l'appartement d'une des avortantes, Lucille Ruot, et avec l'équipe d'avortement, sociologue, chercheuse au CERAPS de l'Université de Lille. Et donc ces femmes se retrouvent autour d'un dîner, donc la convivialité elle est déjà au cœur du processus, et au cours de ce dîner, l'accent est vraiment mis sur la pratique abortif qui va avoir lieu 2-3 jours après. Où on raconte ce qui va se passer. On raconte ce qui va se passer et puis on déballe le matériel. Les femmes touchent les canules, les spéculums, évidemment posent des questions. Et puis après, le jour de l'avortement, toujours dans cette idée que ce que sent la praticienne profane en l'occurrence, eh bien, l'avortante le sent aussi, systématiquement proposée de poser elle-même le spéculum, de poser leurs mains sur l'abdomen pendant le toucher vaginal. Après l'autopose du spéculum, il y a aussi la pose d'un miroir devant le spéculum pour que l'avortante puisse voir l'intérieur de son vagin, le col de l'utérus. Alors souvent, ce qui est dit, c'est que c'est très beau. Et finalement, l'usage de ces termes-là, c'est pour contrer ce que les femmes ont intégré malgré elles sur des expressions plutôt de dégoût, des réflexes de dégoût sur leur corps et leur vagin. Et puis, au cours de l'avortement, certaines vont jusqu'à des versions assez proches de l'auto-avortement, puisque les femmes peuvent aider à insérer les dilatateurs et les canules d'aspiration. Et surtout, au cours de l'avortement, sont présentes non seulement les militantes autour de la femme qui avorte, donc qui l'aide à tenir la position gynécologique, et autour de cette femme qui avorte, il y a aussi les femmes qui vont avorter après elle et celles qui vont avorter avant elle, et qui participent à la soutenir moralement, à respirer avec elle, à faire de l'humour si ça peut permettre de penser à autre chose au cours de l'avortement et d'atténuer la douleur, à faire des caresses, à maintenir le regard pour faire de cet avortement un moment collectif et rompre l'isolement. Vous êtes né le 27 février 1943 à Bayonne. Vous êtes de nationalité française et vous êtes spécialisée, ouvrière spécialisée. Vous demeurez au Massieu. C'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation, qui fait jurisprudence, est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. On n'avait pas peur. On n'avait pas peur parce que je pense qu'on avait vraiment l'intime conviction qu'on était dans notre droit. C'est-à-dire que même si on n'était pas légal, notre combat, il était légitime. Bien sûr qu'on pouvait se faire arrêter, qu'on pouvait aller en prison, mais je crois qu'on craignait pas ça, parce qu'on savait que si ça arrivait, ben, y aurait forcément un mouvement de solidarité, de soutien. On se sentait complètement dans un mouvement. La peur, elle était plus sur le problème de la santé de la femme, ou qu'elle nous claque dans les doigts, ou je sais pas, parce qu'il y avait aussi des junkies. Bon, voilà, donc quelquefois, c'était un peu compliqué, ça. Mais par contre, on n'avait absolument pas peur. Quand on allait à l'hôpital, c'était en face du commissariat, et on était là, on donnait nos noms, nos adresses et tout ça. Donc, on n'avait pas peur de la répression. Par exemple, on allait à l'hôpital, parce qu'on avait vu que la grossesse était plus avancée. On avait déjà commencé à aspirer. Donc il y avait du placenta dans le bocal. Et puis, mais on comprenait bien que c'était... on ne pouvait pas aspirer l'embryon qui était trop avancé. Donc on venait à l'hôpital. Et après, on a compris qu'il fallait qu'on vienne avec le bocal pour prouver qu'on avait commencé. Donc c'était eux qui étaient en tort s'ils ne faisaient pas un curetage à la femme puisqu'elle restait une infection. Sauf que certains médecins, justement, pas d'accord, disaient « Ah ben non, mais c'est pas parce que vous avez aspiré un peu de placenta, si ça se trouve, la grossesse va pouvoir continuer. » Et pour vérifier ça, la femme, elle devait faire pipi dans un bocal, et eux vérifiaient avec l'urine si la femme était positive ou négative. Donc, si elle était positive... ça voulait dire que la grossesse pouvait continuer. Donc, ils ne faisaient pas l'interruption de grossesse. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Nous, après, on allait voir la femme, on faisait, nous, pipi dans un bocal, et on échangeait le bocal pour que ce soit négatif, pour qu'à ce moment-là, il continue. Évidemment, il y avait des infirmières qui voyaient bien ce qu'on faisait, mais qui nous laissaient faire. Je suis pour. Je vois pas pourquoi il y aurait des limitations. Je pense qu'il faut éviter d'avoir des enfants par tous les moyens quand on n'a pas des moyens de les élever. Mais avoir des enfants dans les conditions impossibles, C'est un crime. Personnellement, je suis contre. Oui, je trouve que c'est une atteinte à la vie, c'est tout. Oh, bah écoutez, moi je dis une chose, que si une femme en veut pas, elle est libre. Hein. C'est passé pour moi, monsieur. Il y avait eu, à cette époque-là, le manifeste des 343, qu'on a appelé les 343 salopes, qui étaient des femmes connues, qui avaient dit qu'elles avaient avorté, on savait qu'on pouvait compter sur elles. Il y avait le MLF qui s'était créé, ça aussi, il y avait des noyaux de femmes quand même qui se battaient, il y avait le planning. Mais quand même, il fallait bien trouver un lieu qui soit pas trop exposé ou qui soit protégé médiatiquement. Et c'est Delphine Seyri qui a prêté son appartement pour faire ce premier, ce deuxième. Et Carman a montré comment on faisait. Et moi, quand je suis rentrée de vacances, je me rappellerai toujours, Joannet vient dans mon dispensaire et il me dit « Regarde, je l'ai pas cru. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et on a commencé comme ça et on a vu que ça marchait. Voilà. Et moi, j'étais à Aubervilliers. Et le soir, Aubervilliers, une ou deux infirmières complices, j'allais dire... les femmes qu'on voyait dans la journée, on disait « revenez ce soir après la consultation », et voilà. Après, Ralit m'a dit qu'il savait très bien. Qu'il savait que vous le faisiez, c'est vrai? Oui, bien sûr. Mais on avait des tas de gens qui étaient solidaires. C'est un mouvement très solidaire, après tout le monde. Et puis, vous savez, les femmes, on dit une sur deux qui avortaient, elles étaient toutes solidaires, quel que soit leur âge. Quand je suis allée à la télévision pour défendre la première fois en 73... notre mouvement, expliquer ce qu'on faisait. J'ai reçu des lettres et des lettres de vieilles dames. Heureusement que vous êtes là. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, c'est touchant quand même, hein. Ah oui, on a eu vraiment un soutien populaire formidable. Déjà, le mot avortement, je l'aime toujours pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un mot qui me... Vous voyez que j'ai des réticences à le dire. Maintenant, on dit IVG, c'est plus simple. Enfin, c'est vraiment... Mais à l'époque, ça voulait bien dire un peu ce que ça voulait dire, quoi. C'était une forme de, je sais pas, histoire avortée, quelque chose de règle moule, quoi. Je trouve qu'il est, enfin, il a une forme de violence. C'est une histoire de femme et d'homme aussi. Peu d'homme, mais surtout de femme. C'était souvent dans le secret. Souvent, les hommes savaient pas. Et puis ça leur faisait peur, toutes ces histoires de ventre et de sang, c'était pas leur histoire. Donc quand j'ai rencontré Olivier, qui était d'accord pour s'occuper de mon cas, c'est là où, alors qu'on devait prendre rendez-vous pour poser la sonde, qu'Olivier m'apprend qu'il devait aller en Angleterre, pour qu'ils avaient appris qu'il y avait une méthode innovante, enfin en matière d'avortement, d'aspiration, etc. et tout, donc ils allaient voir. Et que si je voulais bien attendre leur retour, que peut-être ils pourront donc l'expérimenter en quelque sorte avec moi, mais pour penser que ça poserait aucun problème, quoi. Ça va bien se passer, etc. Mais je pense qu'ils étaient très anxieux, hein. Donc c'était lui et un autre étudiant en médecine. Et pour ce faire, donc ils ont préparé une chambre universitaire, quoi. Comme ils avaient préparé la table avec comme une table d'opération et tout. Ils avaient tout. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens quelque chose de très clean, de propre, de bien organisé, etc. et tout. Après, bon, là, ils ont fait l'aspiration. Ils m'ont endormi. Alors, ils m'ont endormi avec. Parce que comme ils avaient peur de faire mal, etc., ils m'ont enfin donné des barbituriques, je sais pas comment ça. Et donc, moi, j'ai rien senti. L'assemblée que c'était bon. Et c'est là où je suis partie, puisque c'était les vacances, c'était l'été, on est partie dans l'Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche. Enfin, c'était l'époque où on faisait du camping sauvage, etc. et tout. Et c'est là où j'ai eu des contractions, des douleurs épouvantables. Et c'est là où on était dans des grottes, on faisait du camping sauvage dans des grottes au bord de l'Ardèche. C'était paradisiaque. Mais fallait, je sais pas, il y avait une heure de marche pour y aller, quoi. Et quand ça m'a pris, là, au milieu de la nuit, etc., et tout, j'ai cru que j'allais mourir, et tout, et puis c'est là où je disais que c'était une malédiction, enfin, je sais quoi, que c'était... Et le lendemain, heureusement qu'il y avait quelqu'un là avec nous qui avait une deux chevaux, là, il a fallu qu'on... Je retourne jusqu'à la deux chevaux, donc une heure de marche, etc., et on est rentré en urgence à Grenoble, et direction la chambre d'Olivier, quoi. Elle était désolée, quoi. Elle était vraiment désolée. Et puis après, il a fallu trouver un médecin qui accepte de faire le curetage. Et maintenant, je peux le dire parce que la prescription, c'était le docteur Pierre Fugain. Et je me rappelle, ça aussi, c'est des moments forts. Je me revois sur la table d'opération, enfin d'opération, parce que là c'était dans une clinique, et je revois le docteur Fugain, et pour moi il avait tellement une image paternelle, tellement belle, tellement rassurante. Et il m'a regardé, il a dit, mon Dieu, comme elle est jeune. Et je sais pas, si, j'ai le sentiment qu'il a eu un geste de affectueux, quoi. Et je me suis endormie comme ça. C'est l'histoire d'un avortement clandestin. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de revenir en arrière et parler de l'avortement, comme vous dites. Pour moi, c'est parler d'une période de ma vie qui pour moi, reste un peu une plaie ouverte, quoi. Paulette était un peu mon alter ego, mais en plus grande, ma grande sœur. Moi, je suis issue d'une famille, une fratrie nombreuse, et je suis la seule fille. Après 5 garçons, Marie-Laure Brival, ma sœur aînée, gynécologue, obstétricienne, anciennement chef du service de la maternité des Lilas. Et Paulette, la petite amie de mon frère, a été très proche de moi. Elle m'a appris à me maquiller, des histoires de filles, comme on disait à l'époque. Moi, j'étais en classe de 3e, à 15 ans à peu près. Et un jour, je rentre du collège et j'ai vu Paulette, toute grise, pas bien, avec de la fièvre. Le SAMU est venu, l'a emmenée à l'hôpital et je n'ai plus revu Paulette. Elle était décédée dans la nuit à l'hôpital. C'est par la suite, puisque que j'ai su les raisons de son décès. J'ai su qu'elle était enceinte, qu'elle était allée voir notre médecin de famille pour demander une aide, que ce médecin s'en est lavé les mains, a dit « moi je m'occupe pas de ça », si bien que mon frère et cette jeune femme, tous les deux, ont commencé à se renseigner. Ils ont pu obtenir l'interruption de la grossesse par des biais de l'époque, et pas forcément dans des conditions sanitaires parfaite, et si bien qu'elle a développé cette fameuse septicémie, et c'est en arrivant aux urgences, en réanimation, qu'elle est décédée. Et c'est finalement des années après. Alors j'ai vu que ça a fait basculer la vie de mon frère, évidemment, et puis il y a eu ce silence sur la question, et c'est des années après que pratiquement de façon totalement involontaire et presque inconsciente, que cette histoire a ressurgi. Et je me souviens très bien, c'était très émouvant, parce que là, je pleure pas, mais à l'époque, quand j'ai formulé, c'est comme si ça apparaissait à ma conscience et que je réalisais, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà l'histoire. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? On ne parle pas d'avortement, véritablement, on parle de contraception. Et on pense que la contraception, c'est la façon de régler le problème de l'avortement. Si on développe la contraception, si on en parle, si on la diffuse, si les femmes sont au courant, si les hommes sont au courant, etc., eh bien, on n'aura pas besoin de recourir à l'avortement. C'est la dialectique contraception-avortement. Et ça, c'est notamment l'association Maternité Heureuse qui importe le birth control britannique et anglo-saxon en France avec le docteur Lagravey-Ali. Alors, 1956, c'est Maternité Heureuse, et cette association deviendra en 1960 le planning familial. Jean-Yves Le Naou, mais il ne parle pas historien et professeur en classe préparatoire. Pour dire que la contraception en finira avec l'avortement. J'essaie de lire ce que c'est. Hein ? Ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est ? Pour l'avortement libre et gratuit, et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous ? Si, mais enfin, attention. Et surtout, elle n'est pas capable de se contrôler suffisamment bien pour prendre un médicament tous les jours, dans toutes les circonstances, quelle que soit sa vie, etc., etc. Tous les autres médicaments, quand on est cardiaque, quand on est diabétique, Michel Ferrand, la non-observance, sociologue, connaît, directrice de recherche et mérite du CNRS. Où on craque, mais alors pour la pilule, non. Ça devrait être... Et en plus, la pilule n'est quand même pas la méthode la seule utilisée. Donc il y a d'autres... Non, c'est à la femme de se débrouiller pour ne pas se retrouver dans cette situation. Moi, je trouve ça... Je trouve ça digne des cavernes, si vous voulez. On n'a pas tellement évolué depuis... On a autorisé l'avortement en le médicalisant. Ça a été compliqué de le légaliser. On a opposé justement la contraception comme bonne pratique par rapport à l'avortement qui était la mauvaise pratique. Je crois que depuis un moment, je me permets de vous arrêter un tout petit instant, depuis un moment, on fait savoir que Delphine Seyrig veut intervenir parce qu'elle a suivi, comme c'est la règle du jeu, le débat. Alors, pour une courte intervention, le témoin de surprise de ce soir, qui est Delphine Seyrig. Oui, moi je sens que je ne vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce qu'évidemment, je suis là dans un studio à part, donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Un avortement fait sciemment, délicatement, et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, je ne sais plus parce qu'on ne va pas laisser parler, a dit qu'il s'agissait de cas particuliers. En effet, il s'agit de cas particuliers. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite, dans sa propre chambre si elle le souhaite, et les milieux hospitaliers, comme l'a dit le docteur Netter, ne sont pas à même de subvenir aux besoins d'avortement de toutes les femmes de France. Donc il conviendrait en effet que ça ne se passe pas forcément en milieu hospitalier, mais par des équipes paramédicales très capables de faire ces choses-là. Il n'y a pas besoin d'être membre du Conseil de l'Ordre pour faire des avortements extrêmement simples à l'heure actuelle. Bon, on a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça... absolument méprisant, je trouve ça odieux, la sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes, et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante, un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté ? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Il y a deux types d'hommes, disait-on à l'époque, et on pourrait le dire encore pendant longtemps. Ceux qui considèrent que les femmes sont un vagin, malheureusement suivi d'un ventre, et ceux pour qui les femmes sont un ventre, heureusement suivi d'un vagin. À la fin du 19e siècle, vous avez les mouvements féministes qui apparaissent. On a aussi les mouvements anarchistes, et notamment néo-malthusiens, qui sont pas forcément féministes. Il y a un compagnonnage entre les néo-malthusiens anarchistes et les féministes, parce qu'on a l'impression qu'ils défendent le droit des femmes, ils défendent la liberté de tous les individus, mais ils défendent bien souvent la liberté des hommes à user du corps des femmes. Les néo-malthusiens, ils considèrent qu'il y a trop d'enfants et que si on restreint les conceptions, les salaires augmenteront, pour qu'il y ait plus de chair à travail, plus de chair à canon, plus de chair à plaisir. Et donc ces néo-malthusiens ne sont pas nécessairement des féministes parce qu'ils veulent jouir sans entrave, et si la femme tombe enceinte, eh bien ne pas assumer leurs responsabilités, tu n'as qu'à avorter et on n'en parle plus. Alors effectivement, on dit souvent que la loi qui réprime l'avortement, c'est la loi de 1920. On le dit même dans les débats en 1974, mais on se trompe complètement. La loi de 1920, elle réprime la propagande pour la contraception, les moyens anticonceptionnels, disait-on à l'époque. C'est la loi de 1810, le code pénal de 1810, avec l'article 317, qui réprime l'avortement, d'une peine d'amende et de prison pour les avortés, et même les travaux forcés pour les avorteurs. Les médecins sont presque plus condamnés que les femmes. Ah mais oui, mais bien sûr, les médecins sont plus condamnés que les femmes parce que les avorteurs, les avortés, ce sont des femmes qui sont dans la détresse. Et alors, certes, il faut les châtier, il faut les réprimer, mais ce sont des victimes, elles aussi, de la société. En revanche, les avorteurs qui font commerce, qui se font rétribuer, eux, ce sont des dangers sociaux, c'est eux qu'il faut attraper. Et d'ailleurs, la dernière guillotinée pour une question d'avortement, c'est pas seulement parce qu'elle avait avorté, c'est parce que c'était une avorteuse. C'est Marie-Louise Giraud, en 1943, sous Pétain. Que la loi, de toute façon, que la loi soit dure, qu'elle ne le soit pas, les femmes qui sont plongées dans une situation de détresse avorteront de toute façon. La loi n'a jamais sauvé un fœtus. Ceux qui luttent contre l'avortement, ils ont toujours l'impression que en durcissant les peines, avec la prison, même la peine de mort, ils vont régler le problème. On ne règle pas ce problème parce que les femmes auront recours simplement, elles auront toujours recours à des méthodes toujours plus clandestines, toujours plus dissimulées, où il y aura des accidents. Alors, en 1974, au moment du débat sur la loi Veil, on parle de 300 000 femmes qui avortent, mais ce chiffre est supérieur, sans doute, hein, aujourd'hui, aux alentours de 200 000. Et ce chiffre, en fait, est stable depuis longtemps. Donc, on était plutôt aux alentours de 200 000 que de 300 000. Mais par contre, en 74, il y avait 300 femmes qui mouraient chaque année des suites de manœuvres abortives. Voilà pourquoi il faut médicaliser aussi l'IVG en 1974, pourquoi il y a ce débat, pourquoi il faut en finir avec la clandestinité. Parce que la clandestinité, elle tue des femmes, elle ne sauve aucun fœtus. Comment se comportent les médecins à ce moment-là ? Comment se comportent les médecins ? Assez durement. C'est aussi toute leur éducation. À l'université, on leur enseigne qu'il faut cureter à vif les femmes, qu'il faut leur faire mal, parce que ça leur fera passer l'envie. Pour l'anecdote, ma grand-mère a accouché en 1942. Ma mère est née le 31 janvier 1942, et ma grand-mère racontait qu'elle entendait crier les femmes à quelques mètres d'elle, qu'on curetait à vif. Alors, les médecins ne les dénonçaient pas à la police, parce que les médecins ne veulent pas être des délateurs, ils sont là pour soigner, mais ils se vengeaient d'une certaine façon sur les femmes en disant « Ah, vous avez fait un avortement, et maintenant vous venez me voir pour un curetage, je vais faire le curetage, mais je vais vous faire mal. » Vous en souviendrez, c'est ça, oui, on va vous faire passer l'envie. Alors, chez les médecins, ça a accentué un sentiment qu'ils n'aimaient pas beaucoup et qui était déjà dû à la contraception. Quand ils recevaient une femme pour une consultation contraceptive, ils étaient un peu dépossédés de la décision, puisque c'est la femme qui voulait une contraception, qui venait généralement lui demander une contraception précise. Et lui, il devait voir s'il n'y avait pas de contre-indication éventuellement. Et l'avortement, il est complètement dépossédé de la décision de l'acte. D'ailleurs, les femmes, elles se sont passées des médecins. Elles ont après utilisé des sages-femmes, des faiseuses d'anges, au risque de leur vie. Et les médecins avorteurs, on appelait ça des médecins marrons. Il y avait sans doute, dès 1920, il y a eu des hommes qui étaient convaincus que les femmes avaient le droit d'avorter, enfin qu'elles étaient en détresse et qu'il fallait les aider. Mais la grande majorité du corps médical ne voulait pas entendre parler du contrôle des naissances tout court. Au moment du vote de la loi, la majorité du corps médical était opposée à l'avortement. C'est une liberté qui était accordée aux femmes, et je pense qu'en général, les médecins ne sont pas si féministes que ça. Non. Certains. Au moment de la loi Neuwirth, le corps médical avait fait une grande déclaration en disant que le contrôle des naissances n'était pas du ressort des médecins, mais du ressort du couple, dans la famille. Alors, en plus, en confiant l'avortement aux médecins, on pensait qu'ils allaient pouvoir les dissuader d'avorter. Il n'y a eu aucun effet sur la natalité, parce que les femmes avortaient ni plus ni moins. C'est pas parce que l'avortement est autorisé que les femmes vont avorter plus. C'est pas des soldes, c'est pas une ouverture fantastique d'un nouveau parc de distractions, des trucs comme ça. Le fait que la majorité des gens qui travaillaient là-dessus étaient des hommes et qu'ils n'écoutaient pas les femmes, ils n'entendaient pas ce que les femmes disaient, voilà. Et je n'ai plus revu Paulette. À la maternité des Lilas, j'ai commencé par la question de la planification et de l'avortement. C'est-à-dire que mon premier poste à responsabilité au Lilas, c'était la responsabilité du centre d'orthogénie et de planification 87. 87, c'est vraiment une date qui m'inscrit sur cette question de façon extrêmement sincère, profonde et militante, bien sûr, parce que je crois que pour l'avortement, il faut être vraiment militant, parce que les choses se perdent très très vite, j'ai l'impression. Dans vos études de médecine, est-ce que vous étudiez, est-ce que vous entendez parler de la contraception, est-ce que vous entendez parler de l'avortement ? Alors, pratiquement jamais. Aucune formation initiale, à mon époque en plus. Moi, j'ai commencé mes études de médecine en 1974. Les choses ont quelque peu évolué actuellement, mais je n'ai pas entendu parler de la question, ni de la contraception, ni de l'avortement. Si, j'exagère, j'en ai entendu parler sous ces aspects de complications, de mort, d'infection, de stérilité, de perforation, de troubles pour les gens. Alors que, parallèlement, au fil des ans, on peut dire que les risques de l'avortement sont proches de zéro. Et on est tout juste en train de faire rentrer et d'éveiller les esprits des jeunes étudiants en médecine sur cette question de la régulation des naissances. Tout juste, un peu dans la formation initiale, et puis beaucoup de diplômes interuniversitaires sont proposés dans le cadre d'une formation continue. Encore faut-il en avoir la volonté. Là, je crois que c'est ce que j'ai envie d'appeler un péché originel de la question, parce qu'il y a combien de gens qui m'ont dit il y en a assez de l'IVG, ça y est, il y a la loi, tout est réglé, il n'y a aucun problème, pourquoi il faut encore revenir ? Mais parce que plus de 45 ans après la loi, on en est toujours à avoir des difficultés d'accès en pratique. Et la question de la formation initiale des médecins, elle est vraiment un des points essentiels au cœur de cette problématique qui perdure. Le positionnement général des médecins et de l'absence totale du champ de formation de cette question pourtant de santé publique essentielle, avec un nombre d'avortements de plus de 200 000 par an qui n'a quasiment pas varié depuis 1975. Et ça ne fait toujours pas partie. Et 200 000 qui est un chiffre énorme en termes d'actes médicaux. Ça devrait être un des noyaux durs de la formation initiale des médecins. Messieurs les ministres, Monseigneur, Éminence, Excellence, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, en France, peut-être plus encore que dans beaucoup d'autres pays. C'était la série documentaire « Avortement, enjeu du pouvoir médical ». Jamais sans ma canule. Avec Marie, Olivier Bernard, Joël Brunery, Marie-Laure Brival, Véronique Seyé, Michel Ferrand, Anne Joubert, Lucille Ruault, Jean-Yves Lenaour. Merci à Marielle Isartel, à Bibia Pavard et à la Bibliothèque municipale de Lyon-Pardieu. Merci à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France, extrait de film Histoire d'art de Charles Belmont et Maria Desartel. prise de son Nicolas Mathias, mixage Bruno Mourlan, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Et je déclare ouvert le 2e congrès international de morale médicale. Bon, midi, on vous vénère, vous que peut-on. Je vous salue les maris. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au planning familial, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, 2e épisode, la clause de conscience. Mais en attendant, restez à l'écoute.